السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de se réunir pour la lecture et l'explication d'un nouvel épître du grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Cet épître se nomme « Les principes qui aident à la patience ». Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a mentionné et développé dans cet épître les moyens qui aident à concrétiser la patience. Plus précisément, la patience face aux décrets d'Allah, aux épreuves, la patience face au mal et aux nuisances des gens. Il a certes excellé dans le développement de ce sujet et a certes prodigué le bon conseil envers la communauté. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister dans l'explication et la lecture de cet épître et de nous permettre de tirer profit de cet épître dans la compréhension et dans la mise en pratique, que cela soit une science bénéfique pour nous et non pas contre nous le jour dernier. Avant de commencer la lecture de cet épître, il convient de mentionner quelques points essentiels qui sont liés à la patience, ceci en introduction à ce qui va suivre. La patience est une des caractéristiques les plus importantes et occupe une très grande place en islam. Et le serviteur dans sa vie, dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, ne peut se passer de la patience, et ceci dans toutes ces situations. Le serviteur a besoin de patience ou de la patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Il a besoin de la patience dans le délaissement des interdits. Et il a besoin de patience dans les épreuves qui le touchent dans sa vie. Et tout ceci nous montre la place qu'occupe la patience dans la religion. Premièrement, quel est le sens et la définition de la patience? La patience, dans son sens linguistique, c'est la retenue, le fait de se retenir. Dans son sens religieux, comme a dit le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a dit, c'est de patienter sur les obligations en les mettant en pratique, de patienter contre les interdits en s'écartant de ces interdits, Troisièmement, de patienter face aux décrets et aux épreuves douloureuses, en retenant son âme, de se mettre en colère, d'avoir une mauvaise pensée d'Allah, de retenir sa langue de la plainte et de retenir les membres du corps, de faire des actes qui montrent le mécontentement à l'égard du décret d'Allahu Azza wa Jal. Quant au statut de la patience, il est obligatoire dans ces trois catégories que nous avons citées, qui sont la patience dans l'obligation ou dans les obligations, la patience face aux interdits d'Allah et la patience face aux décrets d'Allah. Certains gens de science ont même mentionné le consensus des savants sur l'obligation de la patience. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, a dit « La patience a été citée dans le noble Coran dans plus de 90 endroits. » La patience a été citée, comme a dit l'imam Ahmad, dans plus de 90 endroits du noble Coran, ceci sous plusieurs formes. Elle a été citée sous forme d'obligation. Allah Azza wa Jal a dit « Ya ayyuha alladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'allakum tuflihun » Dans le sens rapproché des versets, « Ô vous les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Surat Ali Imran, verset 200. De même, elle a été citée sous forme d'interdiction de ce qui est contraire à la patience, de ce qui contredit la patience. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Dans le sens rapproché du verset, endure donc Muhammad comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir le châtiment. Surat al-Ahqaf, verset 35. De même, la patience a été mentionnée sous forme d'éloge pour ceux qui font preuve de patience. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans le sens rapproché, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Sourate al-Baqara, verset 177. Également, Allah Azza wa Jal aime les gens patients. Il dit à cet effet, Subhanahu wa ta'ala, Wallahu yuhibbu s-sabirin, dans le sens, et Allah aime les patients. Surat Ali Imran, verset 146. Également, Allah Azza wa Jal est avec les patients. Il dit à cet effet, Wasbiru inna Allaha ma'a s-sabirin, dans le sens du verset « Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants » Sourate Al-Anfal, verset 46. Allahu Azza wa Jal est avec les patients en les préservant, en leur donnant la victoire et en les assistant. Également, la patience a été mentionnée dans le Coran. Également, il y a la bonne annonce pour celui qui est patient. Il y a la bonne annonce dans le noble Coran pour celui qui est patient. Allah Azza wa Jal a dit « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » dans le sens « Et faites la bonne annonce aux endurants. » Surat al-Baqara, verset 155. Il y a également une grande récompense pour ceux qui font preuve de patience. Allah Azza wa Jal a dit Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dans le sens, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Surat Az-Zumar, verset 10. Également, ceux qui tirent les leçons et s'exhortent sont les patients. Allah Azza wa Jalla a dit à cet effet: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dans le sens rapproché du verset, nous avons certes envoyé Moussa avec nos signes en lui disant: fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. De même, les anges saluent les gens patients quand ceux-ci seront au paradis. Lorsque ceux-ci seront au paradis. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Dans le sens du verset, les anges entreront auprès d'eux: paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Surat Ar-Ra'd, versets 23 et 24. Également, la victoire dépend de la patience et de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin. Dans le sens rapproché du verset: mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Sourate Ali Imran, verset 125. De même, le titre d'imam s'obtient dans la religion par la patience et la certitude. Allah Azza wa Jal a dit: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dans le sens rapproché, nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guident les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Surat al-Sajda, verset 24. Voici quelques formes de patience mentionnées dans le noble Coran. Parmi les points que nous pouvons citer, il y a le fait que la patience est un comportement et une qualité que la personne peut acquérir, et la patience est également un comportement naturel dont Allah, par lequel Allah gratifie son serviteur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu: wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr. Dans le sens du hadith, celui qui s'arme de patience, Allah lui accorde davantage de patience, et personne ne reçoit de don meilleur est plus grand que la patience. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Également, parmi les points que nous pouvons citer, la patience se divise en deux catégories: la patience louable et la patience blâmable. La patience louable est la patience par Allah et pour Allah. La patience louable est la patience par Allah et pour Allah. Allah dit à cet effet, dans le sens rapproché: Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dans le sens du verset: endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Surat An-Nahl, verset 127. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Surat At-Tur, verset 48. Quant à la patience blâmable, c'est la patience dans le fait de ne pas obéir à Allah, la patience dans la désobéissance à Allah, comme ceci est relaté dans le noble Coran. Allah Azza wa Jal a dit: وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, dans le sens rapproché, et leurs notables partirent en disant: allez-vous-en et restez constants à vos divinités. Surat Sod, verset 6. On voit dans ce verset que les notables s'enjoignaient mutuellement la patience sur le shirk, le polythéisme. Ceci est la patience blâmable. Voici quelques points bénéfiques qui sont liés à la patience. Nous commençons sans plus attendre la lecture et l'explication de cet épître qui se nomme « Les principes qui aident à la patience » ou « Les causes qui aident à patienter face au mal des gens ». Pour expliquer cet épître, nous allons nous aider de l'explication qui a été faite par le cheikh Muhammad ibn Ghalib al-Umari, hafizahullah ta'ala, qu'Allah le préserve. Dans cet épître, l'auteur a mentionné l'importance de la patience, ainsi que ses différentes catégories. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a axé la parole sur une des trois catégories de la patience, qui est le fait de patienter face aux décrets d'Allah, aux épreuves douloureuses, face au mal des gens. C'est un épître qui est très concis, mais qui renferme à la fois beaucoup de bénéfices, d'orientation et de conseils pour celui qui est éprouvé. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Le grand savant de l'islam, Abu al-Abbas Ahmad ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a fait de chaque situation pour les serviteurs croyants un bien pour eux. Ils, les croyants, sont constamment dans un bienfait de leur Seigneur, que la chose qui les touche est une chose qu'ils aiment ou qu'ils réprouvent. Cela est un bienfait pour eux. Et il a fait de ce qu'il a décrété à leur égard un fonds de commerce par lequel ils tirent profit de ses décrets. Et il a fait de ce qu'il a décrété des voies qu'ils, les serviteurs, empruntent pour arriver à Allahu Azza wa Jal. Comme ceci est affirmé dans l'authentique de Muslim, d'après leur imam et leur guide, qu'Allah le couvre d'éloges et de salutations, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu: ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khayr wa laysa dhaka li ahadin illa lil-mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lah wa in asabathu darra'u sabara fa kana khayran lah. Dans le sens du hadith, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bienfait l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, commence cet épître en rappelant le bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Et certes, tous les bienfaits proviennent d'Allah. Allah Azza wa Jal a dit: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Surat An-Nahl, verset 53. Il dit également: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Sourate Ibrahim, verset 34. Tous les bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal. Qu'il ces bienfaits soient apparents, comme l'argent, comme les enfants et autres, ou que ces bienfaits soient cachés, comme le bienfait du tawhid, le bienfait de la foi. Allah Azza wa Jal a dit: « وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً » Et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Sourate Luqman, verset 20. De même, Allah Azza wa Jal comble son serviteur de bienfaits à travers ce que le serviteur aime et réprouve. Réprouve comme épreuve et autres. L'épreuve est un bienfait. Car à travers l'épreuve, le serviteur se voit pardonner ses péchés. À travers cette épreuve, Allah l'élève en degré. De même, le serviteur, à travers cette épreuve, se remet en question en ce qui concerne son lien avec Allah Azza wa Jal. Il se rappelle le repentir et se repent. De même, ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour ses serviteurs comme épreuve sont en réalité un fonds de commerce. Sont en réalité un fonds de commerce pour le serviteur, à travers lequel il va s'élever en degré, à travers lequel il va gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal et acquérir de nombreuses récompenses dues à sa patience. Cette épreuve est donc un bienfait, même si en apparence c'est un mal que le serviteur réprouve. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans le sens rapproché du verset, il se peut que vous avez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Nous tirons également du hadith de Suhaib al-Rumi radiallahu anhu que le serviteur est récompensé dans l'aisance et dans l'épreuve. S'il est dans un bienfait, il est reconnaissant envers son Seigneur, alors il sera récompensé pour sa reconnaissance. Et s'il est dans une épreuve et patiente, il sera alors récompensé pour sa patience. Le serviteur adore son Seigneur dans toute situation. Il adore son Seigneur dans l'aisance, en le remerciant et en étant reconnaissant des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyés. Et le serviteur adore son Seigneur dans la difficulté, en faisant preuve de patience face à ses différentes difficultés. Ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullahu ta'ala, a dit: ce hadith englobe tous les décrets d'Allah Azza wa Jal à l'égard de son serviteur croyant. Et tous ces décrets, ces épreuves sont un bien pour lui, s'il est patient face à ce qu'il réprouve de ces décrets douloureux, et s'il est reconnaissant face aux décrets d'Allah qu'il aime. Mais bien plus que cela, tout ceci fait partie de l'appellation de la foi. Car les pieux prédécesseurs ont dit: la foi se divise en deux. La première partie est la patience, et la deuxième, la reconnaissance. Comme Allah Azza wa Jal a dit: Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Dans tout cela, dans le sens rapproché du verset, dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Surat Ibrahim, verset 5. Fin de citation. Dans la vie, le serviteur ne sort pas de l'un de ces trois états. Soit il jouit d'un bien ou d'un bienfait d'Allah, alors il se doit d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Soit il est dans une épreuve, alors il doit faire preuve de patience face à cette épreuve. Soit il est dans le péché, alors il doit se repentir et implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala a mentionné dans ce paragraphe que la foi se divise en deux, ou se partage en deux, la reconnaissance et la patience. Comme ceci a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Que veut dire la foi se partage en deux? Comme il est bien connu chez les gens de la Sunna, la définition de la foi est une croyance du cœur, une parole de la langue et des actes avec les membres du corps. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Et ceci implique deux choses. Faire les obligations et s'éloigner et s'abstenir de faire les interdits. Faire les obligations et obéir à Allah Azza wa Jal, ceci est la reconnaissance et constitue la reconnaissance à Allah Azza wa Jal. S'éloigner et délaisser les interdits, ceci constitue la deuxième moitié qui est la patience face aux interdits d'Allah. Or, toute la religion réside dans ces deux choses, l'accomplissement des ordres d'Allah et le fait de s'abstenir de commettre ce qu'Allah a interdit. Sur la base de ceci, la foi se partage en deux, la reconnaissance et la patience. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine, bi-idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته